À la fin de sa carrière dans l'armée de l'air, en 1982, Clément de Zessart suivit la voie tracée par deux Allemands et créa des Feriae Latinae, vacances latines, en Provence. Un de ses successeurs, en 1989, choisit Frigolet, près d'Avignon, pour une semaine de vacances latines, lieu de rencontre internationale de latins vivants. Le thème des vacances, en juillet 2017, était la gastronomie, mais avec constamment de vrais échanges en latin, et non en latin de cuisine. Comme à Frigolet, depuis 1989, des semaines latines se déroulent dans différentes villes européennes. La dernière s'est tenue du 28 juillet au 4 août 2017 en Allemagne, à Amöneburg. Dans le même esprit que la 6000, le latin sans peine, un Danois, Hans Herberg, a réalisé au 21e siècle une série d'ouvrages entièrement rédigés en latin, abondamment illustrés et accompagnés également de CD-ROM. Ces ouvrages, avec le latin sans peine de Dezessart, servent de manuel à la fameuse Scola Nova belge et sont un excellent moyen de se mettre ou remettre au latin.